avoir croisé le fer d'une manière trop tenace avec des dictateurs aux libertés voraces. On se méfiait de lui dans notre village quand il venait nous vendre l'ombre, les coquillages, et qu'il nous racontait comment ça ferait l'esquif. Était venu s'échouer là-bas sur les récifs. Je garde le souvenir éphémère de le voir assis sur ce banc. Je tends de toutes petites pierres entre les filets des échalons. Il visait peut-être par misère nous tous qui l'avions. Cette terre, l'étranger buvait trop, parfois plus que de raison. Il se perdait souvent dans de grandes digressions. Il était comme ceux qui de leur faute s'aspergent pour obtenir crédit du patron de l'auberge. Mais si c'était un homme qui avait eu de l'allure, qui avait dû en voir des vertes et des pas mûrs. Chacun était d'accord en ce qui le concernait. C'était un étranger, on pouvait l'accepter. Je garde le souvenir éphémère de le voir assis sur ce banc. Je tends de toutes petites pierres entre les filets et les chats. Nous tous qui l'avions mis au monde.